Chapitre 24e, où se continue l'histoire de la Sierra Morena. L'histoire rapporte que Don Quichotte écoutait avec une extrême attention le misérable chevalier de la montagne, lequel, poursuivant l'entretien, lui dit « Assurément, Seigneur, qui que vous soyez, car je ne vous connais pas, je vous rends grâce des marques de courtoisie et d'affection que vous me donnez, et je voudrais me trouver en position de répondre autrement que par ma bonne volonté à celle que vous me témoignez dans l'aimable accueil que je reçois de vous. Mais ma triste destinée ne me donne rien d'autre chose pour correspondre aux bons offices qui me sont rendus que de bons désirs de les reconnaître. Les miens, repartit Don Quichotte, sont de vous servir, tellement que j'avais résolu de ne pas sortir de ces montagnes jusqu'à ce que je vous eusse découvert, et que j'eusse appris de votre bouche si la douleur dont l'étrangeté de votre vie montre que vous êtes atteint peut trouver quelque espèce de remède, pour le chercher dans ce cas avec toute la diligence possible. Et si votre malheur est de ceux qui tiennent la porte fermée à toute espèce de consolation, je voulais du moins vous aider à le supporter, en mêlant au vôtre mes gémissements et mes pleurs, car enfin, c'est un soulagement dans les peines que de trouver quelqu'un qui s'y montre sensible. Si donc mes bonnes intentions méritent d'être récompensées par quelque preuve de courtoisie, je vous supplie, Seigneur, par celle que je vois briller en vous, et je vous conjure aussi par l'objet que vous avez aimé, ou que vous aimez le plus au monde, de me dire qui vous êtes, et quel motif vous a poussé à vivre et à mourir comme une bête brute au milieu de ces solitudes, où vous séjournez si différent de vous-même, ainsi que le prouvent les dehors de votre personne. Je jure, continua Don Quichotte, par l'ordre de chevalerie que j'ai reçu, quoique pêcheur indigne, et par la profession de chevalier errant, que si vous consentez, Seigneur, à me complaire en cela, je vous servirai avec toute l'ardeur et le dévouement auquel je suis tenu, étant ce que je suis, soit en soulageant votre disgrâce, s'il s'y trouve quelque remède, soit, comme je vous l'ai promis, en vous aidant à la pleurer. » Le chevalier de la forêt, qui entendait parler de cette façon celui de la triste figure, ne faisait autre chose que le regarder, l'examiner, le considérer du haut en bas, et quand il l'eut contemplé tout à son aise. « Si l'on a quelque chose à me donner à manger, qu'on me le donne pour l'amour de Dieu, et quand j'aurai mangé, je ferai, je dirai tout ce qu'on voudra, en reconnaissance des bonnes intentions qui me sont témoignées. » Aussitôt Sancho tira de son bissac et le chevrier de sa pintière ce qu'il fallait au déguenillé pour apaiser sa faim. Celui-ci se jeta sur ce qu'on lui offrit, comme un être abruti et stupide, et se mit à manger avec tant de voracité qu'une bouchée n'attendait pas l'autre et qu'il semblait plutôt les engloutir que les avaler. Tant qu'il mangea, ni lui ni ceux qui le regardaient ne soufflèrent mot. Mais dès qu'il eut fini son repas, il leur fit signe de le suivre et les conduisit dans une petite prairie verte et fraîche qui se trouvait près de là au détour d'un rocher. En arrivant à cet endroit, il s'étendit sur l'herbe, les autres firent de même, et tout cela sans rien dire, jusqu'à ce qu'enfin le chevalier déguenillé, s'étant bien arrangé dans sa place, leur parla de la sorte. « Si vous voulez, Seigneur, que je vous compte en peu de mots l'immensité de mes malheurs, il faut que vous me promettiez que par aucune question, par aucun geste, vous n'interromprez le fil de ma triste histoire, car à l'instant vous le feriez, ce que je raconterai en resterait là. » Ce préambule du chevalier déguenillé rappela aussitôt à la mémoire de Don Quichotte l'histoire que lui avait contée son écuyer, et qui resta suspendue faute d'avoir trouvé le nombre de chèvres qui avaient passé la rivière. Cependant, le déguenillé poursuivit « Si je prends cette précaution, c'est parce que je voudrais passer rapidement sur l'histoire de mes infortunes, car les rappeler à ma mémoire ne peut servir à rien qu'à m'en causer de nouvelles. Et moins vous m'interrogerez, plus tôt j'aurais fait de les dire. Mais je n'omettrai rien, toutefois, de ce qui a quelque importance pour satisfaire pleinement votre curiosité. » Don Quichotte lui fit, au nom de tous, la promesse qu'il ne serait point interrompu, et lui, sur cette assurance, commença de la sorte. « Mon nom est Cardenio. Mon pays est une des principales villes de l'Andalousie, ma famille noble, mes parents riches, et mon malheur si grand que mes parents l'auront pleuré et que ma famille l'aura ressenti sans que leur richesse puisse l'adoucir. Car pour remédier aux maux que le ciel envoie, les biens de la fortune ont peu de puissance. Dans ce même pays vivait un ange du ciel, en qui l'amour avait placé toutes les perfections, toutes les gloires qu'il me fut possible d'ambitionner. Telle était la beauté de Lucinde, demoiselle aussi noble, aussi riche que moi, mais plus heureuse et moins constante que ne méritaient mes honnêtes sentiments. Cette Lucinde, je l'aimais, je l'adorais dès mes plus tendres années. Elle aussi, elle m'aima avec cette innocence et cette naïveté que permettait son jeune âge. Nos parents s'étaient aperçus de notre mutuelle affection, mais sans regret, car ils voyaient bien qu'en continuant au-delà de l'enfance, elle ne pouvait avoir d'autre fin que le mariage, chose que semblait arranger d'avance l'égalité de notre noblesse et de nos fortunes. Pour tous deux, en effet, l'amour grandit avec l'âge, et le père de Lucinde crut devoir, par bienséance, me refuser l'entrée de sa maison, imitant ainsi les parents de cette Isbé, tant de fois célébrée par les poètes. Cette défense de nous voir ne fit qu'ajouter un désir au désir, une flamme à la flamme, car bien qu'elle imposât silence à nos lèvres, elle ne put l'imposer à nos plumes, lesquelles savent, plus librement que la langue, faire entendre à qui l'on veut les sentiments que l'âme renferme, puisque souvent la présence de l'objet aimé trouble la résolution la mieux arrêtée et rend muette la langue la plus hardie. Ô ciel, combien de billets je lui écrivis, combien de réponses je reçus, honnêtes et tendres, combien de chansons je composais, et de vers amoureux, où mon âme déclarait ses sentiments secrets, peignait ses désirs brûlants, entretenait ses souvenirs et se délassait de ses transports. À la fin, me voyant réduit au désespoir, et sentant que mon âme se consumait dans l'envie de revoir Lucinde, je résolus de tenter et de mettre en œuvre ce qui me semblait le plus convenable pour atteindre le prix si désiré et si mérité de mon amour, c'est-à-dire de la demander à son père pour légitime épouse. Je le fis en effet. Il me répondit qu'il était sensible à l'intention que je montrais de vouloir l'honorer de mon alliance et m'honorer de la sienne, mais que mon père vivant encore, c'était à lui qu'il appartenait à juste droit de faire cette demande. Car si cette union n'était pleinement de son agrément et de son goût, Lucinde n'était point une femme à prendre un mari et à se donner pour épouse à la dérobée. Comme il me parut avoir raison en tout ce qu'il disait, je lui rendis grâce de ses bonnes intentions, et j'espérais que mon père donnerait son consentement dès que je le lui demanderais. Dans cet espoir, j'allais à l'instant même dire à mon père quel était mon désir. Mais au moment où j'entrais dans son appartement, je le trouvais tenant à la main une lettre ouverte, qu'il me remit avant que je lui eusse dit une parole. « Cardenio, me dit-il, tu y verras par cette lettre que le duc Ricardo te veut du bien. » Le duc Ricardo, comme vous devez le savoir, seigneur, est un grand d'Espagne qui a ses terres dans la plus belle contrée de l'Andalousie. Je pris la lettre, je la lus, et je vis qu'elle était conçue en termes tels qu'à moi-même, il me parut impossible que mon père manquât de condescendre à ce qui lui était demandé. Le duc le priait de m'envoyer aussitôt où il résidait, disant qu'il voulait que je fusse non point attaché à la personne de son fils aîné, mais son compagnon, et qu'il se chargeait de me placer en une situation qui répondit à l'estime qu'il avait pour moi. Je devins muet à la lecture de cette lettre, et surtout quand j'entendis mon père ajouter « D'ici à 2 jours, Cardenio, tu partiras pour obéir à la volonté du duc, et rends grâce à Dieu, qui t'ouvre un chemin par lequel tu dois atteindre à ce que tu mérites. » À ces propos, il ajouta les conseils que donne un père en cette occasion. Le moment de mon départ arriva. J'avais entretenu Lucinde la nuit précédente, et lui avait conté tout ce qui se passait. J'en avais également rendu compte à son père, en le suppliant de me garder quelque temps sa parole, et de différer de prendre un parti pour sa fille, au moins jusqu'à ce que je susse ce que Ricardo voulait de moi. Il m'en fit la promesse, et Lucinde la confirma par 1000 serments, par 1000 défaillances. Je me rendis enfin auprès du duc Ricardo, et je reçus de lui un accueil si bienveillant, qu'aussitôt l'envie s'éveilla parmi les gens de sa maison, car il leur sembla que les marques d'intérêt dont me comblait le duc étaient à leur préjudice. Mais celui de tous, qui me témoigna le plus de joie de mon arrivée, ce fut son second fils, appelé Don Fernand, beau jeune homme, de noble manière, libéral et facile à s'éprendre, lequel voulut bientôt que je fusse à tel point son ami que notre liaison fit gloser tout le monde. L'aîné m'aimait sans doute et me traitait avec distinction, sans avoir pour moi néanmoins l'affection et l'intimité de Don Fernand. Or, il arriva que, comme entre amis rien n'est secret, et que la privauté dont je jouissais auprès de Don Fernand avait cessé de s'appeler ainsi pour devenir amitié, il me confiait toutes ses pensées, entre autres, un sentiment amoureux qui lui causait quelques soucis. Il aimait une jeune paysanne, vassale de son père, dont les parents étaient très riches, et si belle, si spirituelle, si sage, que ceux qui la connaissaient ne savaient en laquelle de ses qualités elle excellait davantage. Tant d'attraits réunis en la belle paysanne enflammèrent à tel point les désirs de Don Fernand qu'il résolut, pour faire sa conquête, et tout autre moyen demeurant sans succès, de lui donner parole de l'épouser. Pour répondre à l'amitié qu'il me portait, je me crus obligé de chercher, par les plus puissantes raisons et les exemples les plus frappants que je pus trouver, à le détourner d'un tel dessein. Et voyant que mes remontrances étaient vaines, je résolus de tout découvrir au duc son père. Mais Don Fernand, adroit et fin, se douta que je prendrais ce parti, car il vit bien qu'en serviteur loyal, je ne pouvais tenir cachée une chose si déshonorante pour le duc, mon seigneur. Aussi, voulant me distraire et me tromper, il me dit qu'il ne trouvait pas de meilleur remède pour écarter de son souvenir la beauté qu'il avait soumise que de s'absenter quelques mois, et qu'il voulait en conséquence que nous vinssions tous deux chez mon père, en donnant au duc le prétexte d'aller acheter quelques bons chevaux dans ma ville natale, où s'élèvent les meilleurs de l'univers. Quand je l'entendis ainsi parler, poussé par ma tendresse, j'aurais approuvé sa résolution, fût-elle moins sage, comme la plus judicieuse qui se pût imaginer, en voyant quelle occasion elle m'offrait de revoir ma Lucinde. Dans cette pensée et dans ce désir, j'approuvai son avis, je l'affermis en son dessein, et lui conseillai de le mettre en pratique sans retard, disant que l'absence, en dépit des plus fermes sentiments, a d'infaillibles effets. Mais comme je l'appris ensuite, Don Fernand ne m'avait fait cette proposition qu'après avoir abusé de la jeune paysanne sous le faux titre de son époux, et il cherchait une occasion de se mettre en sûreté avant d'être découvert, craignant le courroux que ferait éclater son père en apprenant sa faute. Comme, chez la plupart des jeunes gens, l'amour ne mérite pas ce nom, que c'est un désir passager qui n'a d'autre but que le plaisir, et qu'une fois celui-ci obtenu, l'autre s'éteint, ce qui n'arrive point à l'amour véritable, aussitôt que Don Fernand eut possédé la paysanne, ses désirs s'apaisèrent et sa flamme s'éteignit, tellement que s'il avait d'abord feint de vouloir s'éloigner pour éviter de prendre un engagement, il voulait s'éloigner alors pour éviter de le tenir. Le duc lui donna la permission de partir et me chargea de l'accompagner. Nous arrivâmes dans ma ville, où mon père le reçut comme l'exigeait la qualité d'un tel hôte. Je revis bientôt Lucinde, et mes feux renaquirent, sans avoir été ni mort ni refroidi. Pour mon malheur, je les fis connaître à Don Fernand, car il me semblait que la loi de notre amitié m'obligeait à ne lui garder aucun secret. Je lui vantais les charmes, les grâces et l'esprit de Lucinde avec une telle passion que mes louanges lui donnèrent l'envie de voir une personne ornée de tant d'attraits. Mon triste sort voulut que je satisfisse son désir. Une nuit, je la lui fis voir à la lumière d'une bougie, par une fenêtre où nous avions coutume de nous entretenir. Il la vit, et toutes les beautés qu'il avait vues jusqu'alors furent mises en oubli. Il resta muet, absorbé, insensible, et finalement épris d'amour au point où vous le verrez dans le cours de ma triste histoire. Pour enflammer davantage son désir, qu'il me cachait à moi, et ne découvrait qu'au ciel, la destinée voulait qu'il trouvât un jour un billet qu'elle m'écrivait pour m'engager à demander sa main à son père, billet si plein de grâce, de pudeur et d'amour, qu'après l'avoir lu, il me dit, quand la seule Lucinde se trouvait réunie tous les charmes de l'esprit et de la beauté répartis dans le reste des femmes. Il est bien vrai, et je veux l'avouer à présent, que tout en voyant avec quel juste motif Don Fernand faisait l'éloge de Lucinde, j'ai été fâché d'entendre de telles louanges dans sa bouche, et je commençais justement à me défier de lui. En effet, à tout moment il voulait que nous parlassions de Lucinde, et sans cesse il ramenait l'entretien sur son compte, dût-il le tirer par les cheveux. Tout cela éveillait en mon âme quelques soupçons de jalousie, non que je craignisse aucun revers de la constance et de la loyauté de Lucinde, et pourtant, ma destinée me faisait craindre précisément ce qu'elle me préparait. Don Fernand cherchait toujours à lire les billets que j'envoyais à Lucinde et ceux qu'elle me répondait, sous le motif qu'il prenait un grand plaisir à l'ingénieuse expression de notre tendresse. Un jour, il arriva que Lucinde, m'ayant demandé à lire un livre de chevalerie pour lequel elle avait beaucoup de goût, l'Amadis de Gaulle. À peine Don Quichotte eut-il entendu prononcer le mot de livre de chevalerie qu'il s'écria. Si votre grâce m'eût dit au commencement de son histoire que sa grâce mademoiselle Lucinde avait du goût pour les livres de chevalerie, vous n'auriez eu nul besoin d'autre éloge pour me faire apprécier l'élévation de son intelligence, qui ne pouvait être ornée d'autant de mérite que vous, Seigneur, vous ne l'avez dépeinte, si elle lui manquait de goût pour une si exquise et si savoureuse lecture. Aussi, quant à moi, n'est-il plus besoin d'entrer en dépense de paroles pour me vanter ses charmes, son mérite et son esprit? Il m'a suffi d'apprendre où se dirigent ses goûts pour la déclarer la plus belle et la plus spirituelle des femmes de ce monde. Seulement, j'aurais voulu, Seigneur, que votre grâce lui eût envoyé en même temps qu'à Malice de Gaulle ce bon Don Rugel de Grèce, car je suis sûr que mademoiselle Lucinde se fut beaucoup divertie de Dairada et Garaya, et des élégants propos du pasteur Darinel, et des admirables vers de ses bucoliques, qu'il chantait et jouait avec tant de grâce, d'esprit et d'enjouement. Mais le temps viendra de réparer facilement cette faute, et ce sera dès que votre grâce voudra bien s'en venir avec moi dans mon village, car là, je pourrai lui donner plus de 300 volumes qui font les délices de mon âme et les délassements de ma vie, bien que je crois me rappeler que je n'en ai plus aucun, grâce à la malice et à l'envie des méchants enchanteurs. Et que votre grâce me pardonne, si j'ai contrevenu à la promesse que nous lui avions faite de ne point interrompre son récit. Mais dès que j'entends parler de chevalerie et de chevalier errant, il n'est pas plus en mon pouvoir de m'empêcher d'y joindre mon mot qu'il n'est possible aux rayons du soleil de cesser de répandre la chaleur, ou à ceux de la lune, l'humidité. Ainsi donc, excusez et poursuivez ce qui viendra maintenant le plus à propos. Pendant que Don Quichotte débitait le discours qui vient d'être rapporté, Cardenio avait laissé tomber sa tête sur sa poitrine dans l'attitude d'un homme qui rêve profondément. Et bien que par deux fois Don Quichotte l'eût prié de continuer son histoire, il ne voulait ni relever la tête ni répondre un mot. Mais enfin, après un long silence, il se redressa et dit « Je ne puis m'ôter une chose de la pensée, et personne au monde ne me l'en ôtera, et celui-là serait un grand maraud, qui croirait ou ferait croire le contraire. C'est que ce bélitre insigne de maître Elisabad vivait en concubinage avec la reine Madazim. « Oh, pour cela non, de par tous les diables !» s'écria Don Quichotte, enflammé de colère, et donnant un démenti assaisonné comme de coutume. « C'est une grande malignité, ou plutôt une grande coquinerie, de parler ainsi. La reine Madazim fut une noble et vertueuse dame, et l'on ne peut supposer qu'une si haute princesse s'avisa de faire l'amour avec un guérisseur de hernie. Et qui dira le contraire en a menti comme un misérable coquin? Et c'est ce que je lui ferai voir à pied ou à cheval, armé ou désarmé, de jour ou de nuit, et de telle manière qu'il lui fera plaisir. » Cependant, Cardenio le regardait fixement, car il venait d'être repris d'un accès de folie, et n'était pas plus en état de continuer son histoire que Don Quichotte de l'entendre, tant celui-ci s'était piqué de l'injure faite à Madazim. Chose étrange, il l'avait pris parti pour elle, tout comme si elle eût été réellement sa véritable et légitime souveraine, tellement il s'était entêté de ses excommuniés de livres. Or donc, Cardenio étant redevenu fou, dès qu'il s'entendit donner un démenti et traiter de coquin, avec d'autres gentils semblables, il prit mal la plaisanterie, et ramassant un gros caillou qui se trouvait à ses pieds, il le donna un tel coup dans la poitrine de Don Quichotte qu'il le culbuta sur le dos. Sancho Panza, qui vit ainsi traiter son seigneur, se jeta sur le fou le poing fermé. Mais le fou le reçut de telle sorte que d'une gourmade il l'envoya par terre. Et lui montant sur l'estomac, il lui foula les côtes tout à plaisir. Le chevrier, qui voulut défendre Sancho, courut la même chance, et après les avoir tous trois moulus et rendus, le fou les laissa et s'enfut, avec un merveilleux sang-froid, regagner les bois de la montagne. Sancho se releva, mais dans la rage qu'il avait de se voir ainsi rossé sans raison, il s'en prit au chevrier, lui disant que c'était sa faute, puisqu'il ne les avait pas avertis que cet homme avait de temps en temps des accès de folie, et que s'il l'eût su, il se serait tenu sur leur garde. Le chevrier répondit qu'il avait dit cela précisément, et que si l'autre ne l'avait pas entendu, ce n'était pas sa faute. Sancho repartit, le chevrier répliqua, et la fin des réparties et des répliques fut de s'empoigner à la barbe et de se donner de telles gourmades que si Don Quichotte ne les eût séparées, ils se mettaient en pièces. Sancho disait, tenant le chevrier à la poignée, « Laisse-moi faire, seigneur chevalier de la triste figure, celui-ci est vilain comme moi et n'est pas armé chevalier. et je puis bien tout à mon aise me venger du tort qu'il m'a fait, en combattant avec lui main à main, comme un homme d'honneur. « C'est vrai, » répondit Don Quichotte, « mais je sais qu'il n'y a nullement de sa faute dans ce qui nous est arrivé. » En disant cela, il leur fit faire la paix. Puis il demanda de nouveau au chevrier s'il serait possible de trouver Cardenio, car il mourait d'envie de savoir la fin de son histoire. Le chevrier lui répéta ce qu'il lui avait déjà dit, qu'il ne savait au juste où Cardenio faisait sa demeure, mais que s'il parcourait avec soin ses alentours, il ne manquerait pas de le rencontrer ou raisonnable ou fou.